toujours Futur Simple au 89.1 et nous allons faire maintenant connaissance avec un monstre, le monstre Kraken Scandinave, le monstre marin Scylla qui a fait engloutir Ulysse et qui est celui qui attrapa le Nautilus de Jules Verne dans 20 milieux sous les mers. Alors ces monstres ne sont pas des inventions, ils existent et seraient des calmars géants. En fait, les calmars, c'est un invertébré. Il n'a pas de squelette, évidemment, et c'est le plus grand invertébré au monde. Il est encore plus largement inconnu, mais une nouvelle, en fait, étude élucide un peu le mystère. Alors, Christiane Dupont nous a préparé un résumé de cette étude, mais comme elle avait un empêchement, en fait, Valérie sera son porte-parole. Alors, Valérie, parlons d'abord des dimensions de ce monstre. Ben, d'abord, quand on parle de calmar géant, je pense qu'on peut vraiment parler de géant. La taille maximale que peuvent atteindre ces animaux, elle n'est pas connue avec exactitude, mais des spécimens d'une longueur totale d'environ 18 mètres, dont plus de 11 mètres de tentacules, hein, faut imaginer, 11 mètres de tentacules. C'est donc incroyable, de tels oui. spécimens ont déjà été étudiés. En juillet 2002, il y a un calmar géant de 250 kg, donc un corps de 7,5 mètres et des tentacules évalués à 15 mètres de long, qui a été retrouvé sur les plages de Tasmanie. Et puis aussi, petit détail intéressant, un œil de calmar géant mesurant 40 cm de diamètre a été retrouvé dans l'estomac d'un cachalot. Donc, ça laisse supposer l'existence de spécimens pouvant mesurer jusqu'à 25 mètres de long. Donc, c'est vraiment des monstres marins. Surdimensionnés. Un œil de 40 cm. C'est bon pour faire des études, en tout cas. Ouais. mais ces géants, en fait, est-ce qu'ils sont difficiles? Pourtant, ils sont difficiles à observer. Oui, si c'est ça. Bien. C'est qu'ils sont malgré géants leur taille, malgré oui. leur taille. C'est ça. C'est que c'est des géants, mais ils sont difficiles à observer. Et puis, d'où un petit peu l'aspect légendaire de ces monstres. Alors, en fait, pourquoi ils sont difficiles à observer, c'est parce qu'ils vivent essentiellement dans les profondeurs, à plus de 500 mètres de profondeur. Donc, c'est pour ça pourquoi ils sont si difficiles à observer. Donc, tout ce qu'on en sait, c'est par de rares spécimens qui sont remontés parfois par des chalutiers, des restes qui sont retrouvés dans l'estomac des cachalots, mais on n'est pas toujours en train d'ouvrir l'estomac des cachalots, c'est donc c'est quand même pas très courant. Donc, effectivement, on a retrouvé des becs, des ventouses, des tentacules. Aussi, des fois, ou alors des fois, des éléments mangés par les cachalots mais qui sont régurgités par les cachalots et des fois aussi des débris flottants sur les océans rejetés par les plages. Aussi, un autre élément aussi que nous apportent ces découvertes, c'est les lieux de ces découvertes. On en a retrouvé un petit peu partout dans toutes les mers du monde, donc cet animal-là serait présent un petit peu partout autour de la planète. Et donc, une grande première en juillet 2012, c'est qu'il a été vu et filmé dans son milieu. Okay. Donc ça, c'est complètement quelque chose de nouveau parce que là, en ramener des échantillons, des morceaux, c'est une chose, mais voir l'animal dans son milieu naturel, c'est quand même beaucoup plus informatif. Donc, une équipe a plongé à bord d'un sous-marin et a pu observer un calmar évoluant à 630 mètres sous la surface. Et le sous-marin a accompagné le calmar en plongée jusqu'à 900 mètres de profondeur. Et donc, Christiane nous précise qu'on peut en voir quelques images sur YouTube. J'ai pas eu le temps d'aller le voir, mais ça doit être assez impressionnant. Mais des calmars, c'est pas aussi un peu translucide, ça? Je ne sais pas du tout. Oui, ouais, il me semble. En fait, l'image que ouais. je m'en fais, c'est un peu vaporeux. Ben, et... je m'en fais pas vraiment une image comme ouais. ça. Ça, c'est comme les méduses. De ce ouais, que tu veux dire. Oui, c'est ça, méduses, là, tu parles oui, des méduses. Oui, oui, oui, oui. Là, les calmars, moi, non, je vois, c'est plutôt oui. comme bon, les pieuvres, un petit peu, sauf que les pieuvres ont 8 bras et je ne suis oui, pas oui, sûre oui. pour les calmars s'ils n'en auraient pas 10, je ne sais pas ça vraiment. Là. Donc, elles mais sont, bon, sont opaques. Oui, c'est ça, c'est quelque chose d'opaque. On ne parle okay. pas des méduses. OK. En fait, est-ce qu'on sait si une grosse bête comme ça peut avoir des prédateurs? Ben, c'est une bonne question. Hein? Mm-hmm. Et effectivement, comment on dit que les petits poissons, les gros poissons mangent les petits, mais donc quand on arrive aux plus gros organismes de la planète, qui est-ce qui est encore plus gros pour pouvoir les manger? Donc, avant d'être gros, ils sont petits, d'abord. Oui. Donc, les jeunes eux-mêmes sont chassés par des dauphins, par des poissons et même par des oiseaux de mer. Et pour les adultes, il faut trouver des monstres encore plus gros qu'eux. Et parmi ces gros monstres énormes, il y a les cétacés, donc les cachalots, par exemple. Donc, les cachalots en consomment des grandes quantités. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve... en fait, on le sait parce qu'on retrouve ils régurgitent des morceaux et on en retrouve des morceaux dans leur estomac. Et il est donc probable, mais pas prouvé, que la population de calmars géants soit quand même relativement importante, étant donné qu'elle supporte un niveau de prédation, qu'elle permet aux cachalots de vivre, quoique les cachalots doivent manger d'autres choses aussi. J'imagine. Mais maintenant que les présentations sont faites, revenons-en à la nouvelle étude. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette étude? Alors, c'est en fait une question qui est très débattue dans la classification de ces géants. C'est la place au sein de l'arbre des espèces, donc toute la classification animale, les chiens, les poissons, etc. Donc là, en particulier, quelle est la place de ces calamars par rapport aux autres invertébrés marins, comme par exemple les pieuvres, les seiches. L'étude publiée dans la revue britannique Proceedings of the Royal Society révèle qu'il n'existerait pas qu'une seule espèce de calmar géant, en fait, dans le monde. Il y en aurait plusieurs. Dans le cadre de leur étude, les chercheurs ont analysé des empreintes génétiques de 43 calmars géants qui provenaient d'Australie, d'Espagne, de Floride, de Nouvelle-Zélande et du Japon. Et puis, les scientifiques ont finalement décrit non pas une espèce, mais une vingtaine d'espèces de calmars géants. Donc, il y aurait plusieurs monstres qui habiteraient nos océans. Et bon, faut ajouter aussi que c'est pas seulement la taille des calmars qui intéresse les scientifiques. Bien sûr, c'est quelque chose qui est assez fascinant, une taille pareille. Mais c'est aussi que c'est leur cerveau, parce qu'ils possèdent un système nerveux sophistiqué et un cerveau très complexe. Donc, c'est aussi quelque chose de fascinant. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont aussi les plus gros yeux du monde. Alors, moi, je me dis que ça doit être vraiment impressionnant. De regardé par un œil de calmar. On peut imaginer, déjà, on voit quand une vache se promène à côté de nous, un cheval ou un orignal, on voit le gros œil globuleux qui nous regarde. Mais c'est là, impressionnant. C'est ça, c'est quand même déjà gros. Imaginons un œil de 40 cm de diamètre. Je me sentirais petite. Muni de tentacules de 15 mètres, c'est ça de long. En plus, c'est ça, exactement. En fait, les calmars géants ont tous les ingrédients de la mythologie, la taille, les apparitions furtives, c'est un être insaisissable, ils ont aussi des tentacules. Alors, c'est pas surprenant que cet animal nourrisse l'imagination de nombreuses civilisations depuis l'Antiquité. Oui, exactement. Alors, on va passer au mot de la fin.